Et bah, on est toujours sur A Centrale et Juliette. Juliette, Ouais. c'est à Si tu toi. veux, est-ce qu'on n'a pas une petite virgule sifflet Mais à mettre? si, j'y Sifflet. vais, j'y cours. J'ai une petite virgule, sifflet, c'est parti. Ouais, par-dessus le sifflet, c'est un sifflet en fait qui vient du Désordre, qui est un site de Philippe de Jonquière, désordre.net. Et il a lancé une initiative, ok, on applaudit à 20h, mais bon, ces applaudissements en fait agacent aussi les soignants, comme on a pu entendre précédemment, parce que bah, en fait, voilà, il y en a beaucoup des soignants qui ne veulent pas être des héros, qui veulent juste faire leur boulot, qui n'ont pas l'intention d'être sacrifiés. Par une politique libérale ultra violente. Et donc, ils proposent qu'après les avoir applaudis, eh bien, on siffle, on hue et on vomisse tous les soirs les peigne-cul du gouvernement, comme il dit. Et donc, il invite plein de personnes en fait, à envoyer des sifflets, tout un tas de sifflets très différents. Comme vous avez entendu, c'était un sifflet original, très apaisant en fait celui-là. Et donc c'est sur désordre.net. Et ça rejoint une petite revue de presse que je voulais faire très rapidement pour la fin, parce qu'avec Nicolas et Aude, on se disait qu'on aurait dû négocier 2 heures d'antenne, parce que là on est obligé de squeezer les 3 quarts de ce qu'on voulait faire, mais c'est pas grave. Voilà une petite revue de presse sur des initiatives plus offensives en fait qui se construisent en ce moment même, passé justement la phase un peu de où on a tous et toutes accusé le coup en fait. Déjà en fait il y a une super émission sur Radio Libertaire qui vient de sortir là, qui s'appelle Sortir du capitalisme. Enfin, l'émission elle est ancienne, mais la nouvelle édition en fait c'était sur validisme et darwinisme social à l'ère du coronavirus. Et dans cette émission que vous pouvez retrouver donc sur sortirducapitalisme.fr, je vais mettre tous les liens à la fin sur le chat de la centrale. Dans cette émission, eh bien, il y a Benoît Bouy-Bunel qui parle de ce problème du validisme, en fait, c'est-à-dire le fait de déconsidérer complètement, enfin de valoriser la position de personne valide, sans même voir que c'est une position de personne valide, et de faire un peu des bravages du style, ouais, nous, on va contester les positions du gouvernement, rien à foutre du confinement, etc. Et en disant, bah ouais, sauf que ça, en fait, on met en danger les gens qui sont réellement fragiles par rapport à ce virus, les personnes âgées, les personnes qui sont déjà malades, immunodéprimées, qui ont d'autres pathologies, les personnes handicapées, enfin plein de personnes en fait qui subissent le confinement ou la situation de manière beaucoup plus violente et qui peuvent très concrètement en mourir. Et donc lui insiste sur le fait que dans le groupe libertaire auquel il appartient à Montpellier, l'Union communiste libertaire, la décision de se confiner a été prise même avant que le gouvernement en donne la consigne, mais voilà, à titre de position radicale anti-validiste. Et ça rejoint en fait aussi un autre article qui est vraiment que je trouvais super intéressant dans l'idée, qui est paru dans la revue Mouvement au pluriel.info, qui s'appelle Covid-19, faites le care, pas la guerre. Donc le care, le soin en anglais, c'est l'idée justement c'est tout ce que font non seulement les soignants et les soignantes, mais c'est aussi le fait, plus généralement, tout ce qui est généralement assuré comme travail affectif et matériel par les femmes, essentiellement, et également par des personnes racisées, par des femmes racisées notamment, toute l'attention aux autres. Et de dire, il faut refuser cette rhétorique de guerre, pour reprendre le refus au tout début de l'émission, là, de ce terme effroyable de distanciation sociale. Non, on ne fait pas de la distanciation sociale. On va faire, comme disait un slogan dans une manif de Berlin, est-ce qu'il y a une super manif à Berlin récemment, là, pendant ces temps de confinement, et un slogan qui disait distanciation des profits, quoi. On ne va pas faire de la distanciation sociale, on va se distancier du capitalisme. C'est ça, en fait, qu'il faut. Et donc, nous, au contraire, on rebâtit quelque chose derrière. On bâtit quelque chose qui est fondé sur le soin, sur l'attention aux autres, sur une politique qui s'appuie sur l'égalité, sur l'accueil de toutes et tous, le fait de ne pas en laisser, de pas en laisser sur le carreau. Je voudrais citer, par exemple, dans ce type d'initiative, il y a des soignants et des soignantes de l'agglomération de Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray, Sotteville-et-Rouen, Maromme, qui montrent des centres médicaux provisoires spécial Covid. Et voilà, ils investissent des locaux pour mettre en place en fait des centres de santé à destination de toute la population, et y compris avec des dépistages. Dans la mesure du possible. Donc voilà, c'est toutes ces formes d'auto-organisation qu'on commence à voir un peu partout. Il faut que je me dépêche pour laisser la parole à mes petits camarades avant que ça coupe. Toutes ces formes d'auto-organisation, d'auto-gestion qu'on voit émerger, il faut appuyer à fond là-dessus, quoi. C'est en fait maintenant, c'est vraiment voilà, on voit que le capital, la sortie du capitalisme, c'est une question de vie ou de mort très concrètement. On voit ce qu'ils font. On voit que maintenant il y a des gens, il y a des personnes dans des EHPAD qui maintenant osent parler en face, parce qu'on a un pouvoir très fort en ce moment, osent parler en face de leur direction en disant à la direction, ben, allez-y, vous vous occupez des gens dans les chambres, allez-y sans masque, dans les conditions où on le fait. Ou les intermittents à Disneyland, ils disent non, pas question de signer une rupture à l'amiable, maintenant on négocie tout. Ben voilà, négocions tout. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Juliette, c'est un peu frustrant qu'on n'ait pas plus de temps. On va bientôt poursuivre l'antenne à Centrale avec le plateau de Nantes dans quelques secondes. Et joyeux anniversaire, Fred. Voilà. Et ouais, ça va être... c'est le moment où... c'est parti, c'est à vous. Nantes. Parce que quand il va falloir redémarrer votre entreprise, il va falloir mettre un coup de frein. Il va falloir y aller. Il va falloir peut-être travailler un peu plus que les 35 heures. Il va falloir peut-être travailler dimanche. Et il va peut-être falloir travailler en juillet et en août. Peut-être. Peut-être. Peut-être. Et effectivement, c'est confortable pour personne. Mais on est en phase. On nous fait la guerre. Et ça, police aussi. Police aussi. Nous, on reste de terre pour bloquer. La centrale. Et l'escargot, il passe en maison. Sur son dos. Il se fait écraser quand même. On le mange. Je suis en train de parler sur le disque. Parler. Si vous allez nous écouter parce que vous êtes ministre. Non, je ne vous écoute pas. Si. Bonjour, et on produit les richesses. Vous êtes on produit les richesses. Entreprise qui marche. Et vous, ah oui, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez détruire les emplois? Vous êtes bien sûr à Centrale, les radios au service de la grève. Bah, moi, ce que j'attends, c'est que demain, ça continue. Et la semaine prochaine aussi. À Centrale.org. On fasse un nouveau 36, un nouveau 68, et en allant beaucoup plus loin. Pas en s'arrêtant en route. Un flux radio en continu pour relayer les actions, les blocages, les piquets de grève. Vous rigolez ou quoi ? Mener le pays à sa ruine. C'est vous qui amenez à la ruine. Les 6 millions de chômeurs, c'est vous. Les 6 millions de chômeurs, c'est vous. Où que nous soyons, emparons-nous de la radio comme outil d'organisation, d'information, de motivation. Vous pouvez nous appeler au 09 50 39 67 59. Salut ! Aujourd'hui, sortie 3, c'est la Saint-Cornichon. Bonne fête à tous les cornichons. L'actualité sociale domine, les galets sont en grève. Battons-nous à coups de poing. La grève est effective depuis ce matin, 7h45. Plus de balles, quelle déveine. On n'a pas de toit. J'ai pas de toit chez moi. Eh ben, moi, je pense qu'il faut virer tout ça. Tout ce système, il faut le mettre en l'air. Et que ça soit nous, les travailleurs, nous qui produisons toutes les richesses, qui prenons les choses en main.